100% Planète Rap. Cap même si la roue est voilée, pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais te violer. Sors le cross volé, cap même si la roue est voilée, pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais te violer. Comme calife, je suis hardcore, je démarre au carrefour. Moi c'est Jules, c'est violent comme voir une quad à carrefour. Bouge ta tête, c'est le son qui t'emmène. Ok, t'as des histoires, ouais, mais qui s'en mêle. Qui se ramène quand y'a plus de 100 mecs. Je connais des vrais, je connais beaucoup de gens qui se la mettent. Le vache en moto, calage dans l'auto. Je suis plus serein au check, les flics prennent en photo. Toujours anti-état, ça va la peu la locale. Vite à l'occasion, scooter volé dans le local. T'as trahi tout le monde, faut pas le mec connaître. En plus, quand y'a un bruit, je cours à l'allure d'une comète. Que des commères, un doigt au maire. Ils veulent pas nous aider alors, niquez vos mères. Le temps passe vite, les petits volent si tôt. Marseille s'est cramé, évasion en hélico. Sors le cross volé, cap même si la roue est voilée. Pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais te violer. Sors le cross volé, cap même si la roue est voilée. Pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais te violer. Fais pas le vidéo, l'honneur c'est vital. Calibre dans la vie, ton attentat lyrical. Tu vois les Schmitt, un ravitaille. Tous les jours en panique comme celui qui ravitaille. J'arrive au sud sous pollen charge. Trop on change, les MC je vais m'en charger. Qu'est-ce que tu me dirais si demain je roule en lambeau. Ça a trop changé maintenant, c'est la voiture qui trembo. Une bombe j'embarque, en jogging ou en tarte. Des gaines pollen charge, les traites faut les charcler. Un frère en tol, une mère en plus devant le parloir. Nique les matons, mets mon son dans le parleur. Fin de sur le palais, la juge t'a remballé. Faut récupérer le barrage, celui qui passe le palais. C'est du pilotage. Les rappeurs, je vais les chaler, je vais les faire cabrer à en faire toucher la chalet. Sors le cross volé, cap même si la roue est voilée. Pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais te violer. Sors le cross volé, cap même si la roue est voilée. Pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais te violer. Pas le gros, tu vois pas, tu fais la guerre seul. Demande à Simon, on trouve le corps à la personne. Peur de personne, on parle de Dieu, je frissonne. Je peux savoir qui m'a trahi, mais pas quand mon heure sonne. La volaille circule à pied, les vendeurs sont mis sous trêve. Arrête de dire, tu vas la source, on sait tout ce que tu sous-traites. Moi, je rappe soupette, je te fais la soufflette. Sors l'encodeuse, prends le cash à bouquette. Fais gaffe si tu guettes, il te pète si tu gueules. J'aime pas mon rap, mais ta mère danse sur mon single. 1, 3, 5, c'est ma zone, fond vers la jungle. Trouve un appart, fais pousser la purple. Tu vas faire un test, pourquoi tu mets ton barbalé. Tu t'en fous des colis, mais tu chies dans cartable. Liga One, c'est la base. Mets-toi devant le carton. On vient tout piller comme le cambio carton. Oh les mains, j'arrive c'est chaud les man. J'ai vu des filles en chien, pété des nez man. J'ai même plus si j'ai mal. Tu voles chez moi, je connais ma ville par cœur. Marseille c'est chez moi, pas de pas de blonde. Ça met le chameau, chez moi c'est wesh le coup. Qu'est-ce que tu fais à un mot, dans la main le 16 coups. Ça part en 5 secondes, mets les sacs à l'arrière. Et vas-y let's go, c'est pas le Rambo. Tu prends la testo, n'espère pas mourir tard. Tu prends la cesto, y'a trop de pauvres. Très peu de riches, il est fou ce monde. Demande à bourris, tous bourrés. On va en Blu-ray, y'a ta peine gadi mais c'est la même qu'on veut fourrer. Sors le cross volé, cap même si la roue est voilée. Pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais te violer. Sors le cross volé, cap même si la roue est voilée. Pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais te violer. Je vais te violer. Je vais te violer. Je vais te violer, te déshabille pas, je vais te violer. Je vais te violer. Je vais te violer, je vais te violer, te déshabille pas, je vais te violer. Jules dans la nocturne, 100% rap français, c'est extrait de son album qui est en train de faire un véritable carton. L'album de Jules et le morceau sort le cross volé. C'est ce qu'on écoute à l'instant sur Skyrock. Al Capote avec Silicide maintenant. La crise, c'est le nom de ce morceau qu'on va écouter. C'est extrait d'un projet qui va pas tarder à sortir au mois d'avril. Al Capote, Zeku et Ramos aussi qui se prépare dans la nocturne. 100% rap français, vos messages 41759 avec le hashtag la nocturne, le hashtag Skyrock. Ça arrive direct dans le studio. J'espère que tout va bien. Calé, posé avec le son de Skyrock. 100% Planète Rap. C'est la nocturne. Al Capote maintenant, Silicide dans la nocturne. Together.

Je mets tout sous mon matelas, je m'en branle de ton livret A. Y'a ceux qui disent que la vie est simple. Qu'une seule label qui leur va sécher le hand out contre un billet de 5. 5. J'encaisse le Jagda comme le public des Ligas. Enfin, je me pose des questions sur le sexe et l'assassin de Lady Gaga. Ma jeunesse est la caisse claire de Havoc. La patate de Balrog, la drogue m'a dit Maroc. Plus de groupes dans la loge qu'un putain de groupe de hard rock. Je me fous de la gueule du game comme le putain de Blavog. Parle leur d'argent, y'a plus d'image, plus de son. Ta carrière prend l'eau, profites-en, fais tes ablutions. J'suis un ex mauvais, j'suis un futur bon. Demande à Nicolas Cage, studio mur du son. Tout le monde a cité mon blaze, personne n'a su m'inviter. J'suis le Justin Bieber français, j'suis juste un bibé, trop loin pour la France. Flow anglais américaine, et j'vomis tout ce que j'pense comme si j'mangeais ma cervelle. T'as une grande bouche comme ta meuf, sauf qu'elle s'en sert à merveille. Le temps c'est de l'argent, j'aime prendre mon temps et me la faire belle. Cerveau, souhaite-moi la bienvenue. Élevé sans calcium des princes de lutte. Né à poil pour crever dans du linge de luxe comme toi. J'aime faire des ennemis et de la maille honnêtement. Mais ces salopes m'appellent mon sauce que quand la mayonnaise prend. Jeune adolescent, j'espère être pas trop vexant. Mais achète mes skis au lieu de te soigner à la halle aux vêtements. Je viens d'un monde à part, tes rappeurs n'ont plus tué tes oreilles font chabat. J'arrive avec des textes interdits au moins de 12 ans. Je repartirai avant d'être taxé à 75%. 75%, 75%, je repartirai avant d'être taxé à 75%. Allergique aux insignes, à Guerlain, à juste un bridou. C'est les flammes éternelles, oui, même si c'est juste un petit bout. Pupille dilatée, pleine lune, j'ai la vue d'un hibou. Non, je pose pas dans ton CD, oui, je t'offre un putain de bijou. Désolé si j'ai choqué mes petites auditrices. J'écris plus rien, je bois du bourbon, et c'est le stylo qui pisse. Mes frérots récidivent, on prenne rien comme des autistes. Sont arrêtés pour possession, comme dans l'exorciste. Fuck le club, les michetos, les habits de marque. Je viens venger l'honneur de mon père comme la famille Stark. Paris, c'est la monnaie, Paris, Paris. Paranoïaque, Paris face à l'euro, David face à Goliath, merde. Casse des Damar, casse des à F6, j'ai la bite en I, aujourd'hui je sens que j'existe. Mais c'est le début de la fin, compte bancaire qui gargouille. La moitié du cerveau qui partit en vadrouille. C'est la nocturne 100% rap français avec Zeke Ramos à l'instant. C'est les SAO 2 qui arrivera au mois d'avril. Gros morceau de Zeke à l'instant, le début de la fin dans la nocturne 100% rap français. Nocturne qui continue, il y a encore plein de sons pour vous. Vos messages, vous les balancez au 41759 avec le hashtag La Nocturne, le hashtag Skyrock, ça arrive dans le studio. On va se faire un petit son d'Hashtag Academy maintenant avec La Fouine et l'Hashtag Academy sur Skyrock, 100% rap français. Projet toujours dans les bacs. Planète Rap. La Nocturne. Poto, je suis nostalgique quand je repense à notre époque. Passe-nous un joint, une bouteille, on te faisait le tour du monde. Assis sur un banc, on regardait le ciel. Pas de boulot, pas d'école, on était hâle toute la semaine. Et même les meufs sont des bonhommes, hey. Ouais, des fissures, mon cœur part en éclat. Et c'est mon sourire qui a des fissures, yeah. Et quand je repense à notre époque, on se posait des lapins, certes, mais y'avait jamais de carottes. Maintenant mon pire ennemi fait partie de tes alliés. Parce que le temps court, l'instru change et on sait pas sur quel pied danser. Voilà ce que me disaient les miens. Quand c'est la haisse, quand c'est la crise, c'est pas de pouce qui va te tendre la main. Quelle que soit l'époque, les crises, moi je reste le même. Moi je reste le même. J'ai souvent traversé le pire et je suis resté le même. Papa me disait fais ce que tu peux. Les profs me disaient fais ce que tu veux. Non j'ai jamais fait mon deuil, passe un briquet des feuilles. À part le bien le mal, j'emporte rien dans mon cercueil. Nostalgie. Pourtant je suis nostalgique quand je repense à notre époque. Au menu y avait du rire, pas besoin d'argent dans les poches. On partageait un plat à 10 assis sur un banc. Maintenant c'est chacun sa mère, on veut être seul sur un plan. Y'a plus de partage, tout le monde veut le gâteau. Comme ça c'est clair et net. Les mythos jouent plus de la flûte, ils sont passés à la clarinette. Je me rappelle de cette époque où on était sans souci. Maintenant pour un peu d'oseille, nos vies sont sans dessus dessous. La nostalgie m'envahit quand je pense que l'amour m'a trahi. La prison, je n'oublierai pas, mais aujourd'hui je m'en jaillis. Je me souviens de la solitude passée dans ma cellule. Pas de courrier, pas de mandat, pas de soutien, les traîtres me bousculent. Quelle que soit l'époque, les crises, moi je reste le même. Moi je reste le même. J'ai souvent traversé le pire et je suis resté le même. Papa me disait fais ce que tu peux. Les profs me disaient fais ce que tu veux. Non j'ai jamais fait mon deuil, passe un briquet des feuilles. À part le bien le mal, j'emporte rien dans mon cercueil. Nostalgie. On voulait faire du fric, on a fait prison psychiatrie. L'argent sale est délibile alors que le propre reste à vie. Fais plaisir à la daronne, laisse tomber les conneries. Frérot on n'est pas des exemples, évite le terre-terre l'ami. Et ouais je suis nostalgique, la routine me rend pensif. J'ai gagné de l'argent facile, maintenant je paye le tarif. Je me rappelle de l'époque où on traînait dans les bars, dans les gares, dans les squares. On était toujours dans les histoires. Maliko, tu te rappelles à l'époque on l'a fait des mères sur le rond-point quand tu t'es fait attraper pour le bouquet de fleurs? Mort de rire mon frère. Ouais, c'est pas bien, vous sortez des dossiers comme ça les gars. Voilà. Quelle que soit l'époque, les crises, moi je reste le même. Moi je reste le même. J'ai souvent traversé le pire et je suis resté le même. Papa me disait fais ce que tu peux. Les profs me disaient fais ce que tu veux. Non j'ai jamais fait mon deuil, passe un briquet des feuilles. À part le bien le mal, j'emporte rien dans mon cercueil. Nostalgie. Quelle que soit l'époque, les crises, moi je reste le même. Moi je reste le même. J'ai souvent traversé le pire et je suis resté le même. Papa me disait fais ce que tu peux. Les profs me disaient fais ce que tu veux. Non j'ai jamais fait mon deuil, passe un briquet des feuilles. À part le bien le mal, j'emporte rien dans mon cercueil. Nostalgie. Nostalgie. Nostalgie. Planète rap. 100% rap français. RODK Lino. Un mal pour un bien maintenant. Moi je m'étais juré de rapper, tu vois le topo mec modeste. Je voyais le signe de paix quand d'autres voyaient le logo de Merco Benz. Maté des meurtres trop dingues, du coup ça empire, voilà. Notre avenir va mal, je veux pas du nirvana de Kurt Cobain. N'investis pas dans le mal, si ça se complique. Ne va pas vendre ton âme au diable si tu veux te racheter une conduite. Ferme ta gueule, suffit pas de rapper. Cracher un texte, taper du poing. Mon art c'est un signe de paix sans l'index. Interfère pas dans mon texte, ok d'accord. Surtout que t'as tort et puis on est en désaccord. Qu'est-ce que tu m'abordes depuis d'abord? Moi je m'étais juré de rapper, tu vois le topo, je suis pas modeste. Je voyais pas de signe de paix en guerre, je voyais un logo Merco Benz. Maté des meurtres, gros flingue, douce couvert l'empire. Voilà, si notre avenir va mal, je rêve du nirvana de Kurt Cobain. J'avais tiré dans le mal, si ça se complique, je suis prêt à vendre mon âme au diable. Voilà pour m'acheter une conduite. Ouais, mais je crois que t'as pas toute ta tête. Quoi, c'est HS, qu'est-ce que négocie? Tous bigraves, tous achètent. Ben oui, mec, mais tout se paie aussi. Crache ma rage au HF, faut faire kiffer les ghetto youth. Ouais, mais c'est quoi le but que la rue m'achève et voir qui fait le trait trop. Vas-y fais la chèvre, le prêtre, moi je rappe avec la barque au bout. Du coup t'as le cul entre deux chaises, tu te déchaînes et parle beaucoup, je te parle de paix. Je parle de guerre, de gang, en gros perte de temps, faut être frais. Grand fier sur le ring sans la paire de gants. J'oscille entre les braises, les flocons de neige, le bon cible. Et puis les fausses promesses, on m'a dit laisse. Pour être à l'aise, je sais pas s'il faut qu'on reste docile. Ou s'il faut craquer, braquer, jouer les cesses. Je squatte le cul entre deux chaises. Je conchite un dilemme dans ma tête qui est le vrai fond. En gros, j'ai la plume entre deux cesses. C'est mon cible avant que l'encre ne sèche. J'y vois qu'on mette. Moi, je veux les gros culs de pitch et j'en ai aucune. Focus, je reste sur les billets. Le beat, je m'en occupe. Elle est occulte. Patience, la grenade est dégoupillée. Dans tous les sens, la rage, y'a qui sait que tu t'en procures. Donc en gros, drogue dure et or pur, c'est tout ce que tu proposes. Grosse fortune, ordure, normal que je m'y oppose. T'ose jouer un rôle, mais tu ferais mieux de te méfier, toi. C'est même pas que t'es mort dans le film, c'est encore pire, c'est que t'y es pas. Normal, je suis pas un acteur, je rappe en force, hors pair. Tout dans la largeur, je viens pas éduquer les gosses, je suis pas leur père. Ouais, tu parles un jacteur blindé de prétextes abusifs qui sera pas nommé aux victoires, mais aux défaites de la musique. Je parle money, money, money, sex, rock, money. Money, j'écris avec un usine. Bla bla bla bla bla, t'es paumé, paumé, paumé. Tes textes pauvres, j'connais. Moi j'nique les exploits, l'état, le taf à l'usine. J'reste honnête, correct, recherche les billets propres. J'connecte la rue au hip-hop. Mais la ligote au beau mec. Mais rien à foutre quand j'suis dans hip-hop. Tu croques. Et t'as cru que les gosses ont attendu que je parle de crime pour en commettre. T'es cru, tu vois ce que je décris, me prends pas pour un con mec. Ouais, ici c'est ghetto et crime. C'est des délits que tu collectes. Moi je suis un amoureux du verbe, un gros kiffeur, c'est pas ton style. Je vais pas fourguer de la merde parce que les auditeurs sont scartophiles. J'oscille entre les braises, les flocons de neige, le possible. Et puis les fausses promesses, on m'a dit laisse. Pour être à l'aise, j'ai pas si faut qu'on reste docile. Ou s'il faut craquer, braquer, jouer les cesses. Je squat, le cul entre deux chaises. J'cogite un chilem dans ma tête qui est le vrai, le faux. En gros, j'ai la plume entre deux cesses. C'est nocif, avant que l'encre ne sèche, il faut qu'on mette gros. Eh, hey, vas-y, arrête avec tes raps de prof de français. Qu'est-ce que tu me prends les couilles avec tes poèmes? Si la vie c'est sale, c'est cru, c'est la haisse. On en a plus rien à foutre, de quoi tu me parles? De quoi je te parle? Ouais, de quoi tu me parles? De tes contradictions, crois pas que ta connerie est le seul chemin. Mais quel chemin? Y'a pas de chemin, on les baise. Nous c'est tête à queue, défonce les parages, ouais, ouais. Prends l'oseille. Toujours la même recette, les mêmes récitures, la même écriture, des mythos visant l'euro. C'est même des titulaires chez de ces stylos Bix en euros. Aux yeux de l'industrie du disque, t'es qu'un pitre, pas un rappeur, un acteur ou un braqueur, t'es juste un chien. Ouais, ça fait un, deux, pour le fric et pour le flow. Je le gifle, le son, pour les pauvres. Je rappe, je fais la une des infos. Je veux de la trappe pour mon parcours, plein de faux. Dans la course, je veux rester, ça part aux infos. C'est vrai, je suis capitaliste, ouais. J'aime faire l'oseille. Je le brutalise, le destin, je m'allais arroser. Ils veulent que je reste ancien. Moi, je suis pas là pour lécher la vitrine. Je vais te projeter Scarface, pas celui qui prime. Ouais, mais rêver de vente en gros d'un cartel, c'est pas ce qui prime. À la foutre, j'ai les crocs. T'es imparfait, tu seras victime de ce que tu véhicules. C'est vrai que ce bise mes cartels. Je plante la révolte, les foufles, les chartels, les flingues et les gros véhicules. Mais il est bête ton Cali. Bute les tous. Tu t'es cru où à Cali? Bute les tous. Oh oh. C'est quoi ce bordel, on va fumer personne. Ok, tu veux que je les câline? Non mais les mots sont plus mortels qu'un Wesson. Ah, je pointe mon beat, moi je veux prendre des sommes. Parler de beat et de chat, du sky dans le calice. Je fais mes preuves sans être bavard, je veux pas de la place, yeah. Du calife. Moi je veux le beurre, l'agent du Qatar et le buzz à Caris. Pour ça j'ai choisi d'innover, mis de côté l'avarice. Façon qu'on sent bon ou mauvais, tous les médias nous salissent. Côté droit, tout socialiste, toujours une France à deux vitesses. C'est vrai qu'on grossit la liste, on crève à fond. On vit presque, on a besoin de résolution. Besoin de bifton, solution. J'comprends les frères qui servent des litrons. Ceux qui parlent de révolution. Bon ou mauvais, ça dépend de quel côté de la vie on se trouve. Le but c'est de se sauver de là, y'a que deux issues quand t'es dans ce trou. Planète Rap, 100% rap français. On reste du côté de Marseille avec la révolution urbaine, rue et la Provence maintenant. En route vers le progrès. Une politique d'un autre âge à bord d'un porte-avions qui a peur du naufrage. Marseille et ses allures trop calmes, la capitale de la fracture sociale. De nos jours, faire de l'argent c'est fastoche. Poum poum est nommé mort pour une sacoche ou pire pour une catote. On vit sur le fil du rasoir, on tiendra pas longtemps mais tout le monde s'accroche. Ils montent au créneau une fois que le sang est propagé. Mais les requins n'ont pas besoin d'apprendre à nager. Ici on en a rien à foutre de leur ministère. Plus vicieux qu'une boutique de fleurs face au cimetière. J'ai voulu planer, les stupéfiants sont prohibés. Alcool et suicide autorisés. La colombe est morte, il nous reste plus qu'à tout niquer. Étant donné qu'on rentrera pas tous dans leur comité. Vous êtes fous, devant qui vous prosternez-vous? Jeune mouton, le berger est pire que le loup. Tu votes à gauche, hein, t'es brave, t'es un rebelle. Avec ton smic, t'es un esclave moderne. Je m'en bats les couilles d'être sur la liste. Je fais juste le vrai travail d'un journaliste. Je dois taffer plus dur, je suis mal vu comme un salafiste. Ils n'auront pas de futur, mais ils pensent que c'est ça la vie. Ils parlent d'armes et veulent savoir qui vendent le plus. Le savoir est une arme, ma culture vous tire dessus. Exilé partout, depuis l'apartheid. On vient juste récupérer ce qui nous appartient. Celui qui braque taf à BNP. Ils font exploser l'audimat sur la TNT. Ils parlent de Marseille mais n'y ont jamais mis un pied. Et y'a comme un goût de FN à l'UMP. Le bâton du berger face aux brebis égarés. Au pays du coq, tous les képis crachent au poulailler. À croire que les États s'unissent pour mieux nous manier. Pendant que ceux qui nous dirigent crient Ben Ali Boumaier. Marseille, capitale de la calache russe. Braquage, armes, arnaque, Dallas, pute. Barrage, ham, ça gratte la carte à puce. On se croirait à

Appelle ta team, allez puis j'assume, bande de faux gars. 1 contre 18, barbe blanche, Hulk Hogan. Diff répète le plomb, diff craque, non chiche yoga. En finesse, la position du signe, yoga. Et jurez, courez si vous pouvez. Et faire aux narines couler comme si je réinventais le poulet. Vous me saoulez, votre rap moins le rap chamallow, rap brioche. LDA de maison de disque, prends ça dans ta bidoche. Ça va s'aigler, ça va péta. Red ça si t'es qu'éclat. C'est comme Ken est survivant, t'es mort mais tu ne sais pas. Fais ça, Majora vient du Tchekar. Prends note, s'agit que de ça, bel et bien que de ça. Rien d'autre. Couronne de laurier aux feuilles d'or et mérité. Après toutes ces années mes fans, toujours excités. Viens dans mes concerts, viens vérifier la vérité. Je récite des sincérités en 12 balades au rythme débridé. Rien ne me fait plus sur terre que la stupidité. Qu'un imbécile convaincu lâchant des imbécilités. J'adore l'inventivité, observe mon flow. Je suis comme le premier poisson qui a sorti sa tête de l'eau. Nouveau souffle, nouvelle vie, nouveau monde, nouvel univers. Je ne change rien, je transforme tout. J'ai jamais fini frère, il me trouve dingue au début. Mais après tout suivre, Danny Dan, premier du nom avec son book titre. Si tu ne savais pas, maintenant tu vois. Si tu ne savais pas, maintenant tu vois. Si tu ne savais pas, maintenant tu vois. Si tu ne savais pas, maintenant tu vois. Si tu ne savais pas, maintenant tu vois. Sur tous les ex pour mon baggy jeans. 2014 dans les 90s. Timberland, Nike Air. Les mains au gun dans les airs. On demande juste que ça rap, rap, rap. Que du business, pas de sentiment, que du business. Pour être à l'heure du rap français, j'ai reculé les aiguilles de ma montre. Pas de discrimination, j'baisse ta beurette, j'baisse ta blonde. Discret dans les transactions, y'a peut-être une bouca à vos balcons. Et si le compte n'est pas rond, on nique ta mère devant ton daron. Des violets, des verts, des marrons. J'aime trop les billets pour être honnête. Criminel depuis le collège, j'appelle les poulets, j'ferai des brochettes. Dans le game, j'me fais chier. On me dit de me barrer aux States. J'ai des putes à mes pieds. Je mets mes liasses dans mes chaussettes. Au quartier, tout le monde veut tuer quelqu'un, ça pue l'homicide. Je me fais livrer mes pizzas et mes putains à domicile. Star du rap jeu, mon flop a fait un buzz. Ta meuf me suce et t'en saura rien, elle avale toutes les preuves. On peut pas se mélanger comme de l'huile et de l'eau. J'ai une grosse équipe à mes côtés, t'as une grosse équipe sur les côtes. En 2012, j'ai dû m'asseoir sur 200 000 euros. 2014, Libérap, mon club te dit hello. Putain de Glock, putain de Glock. Ce fils de pute veut me carotouer mon putain de Glock. Putain de Glock, putain de Glock. J'reviens cagouler avec mon putain de Glock. Et j'te fume pour de l'oseille, fume pour de l'oseille, fume pour de l'oseille, fume pour de l'oseille. Pas de sentiments, c'est que du business, pas de sentiments, que du business, pas de sentiments, que du business, pas de sentiments, que du business. Prends des podcasts chez l'apothicaire. Mieux vaut un verre à deux qu'un verre solitaire. Grâce ton ticket de métro, on dirait que j'galoche Hitler. Tu cries comme un Apollinaire, j'rime comme Apollinaire. J'suis mal polygame, j'fais du peur à grossier. J'suis un mal polygame, j'ai un crâne d'oligame. Des sociétés secrètes veulent m'approcher. Mais nique le Shaitan et tout son organigramme. J'ai du mal à aimer, j'ai le cœur atrophié. J'suis une bombe humaine que seule une femme peut désamorcer. J'veux pas aller en enfer, sur terre j'ai déjà morflé. Les petits préfèrent dormir dans les draps d'Orcelles que dans les bras de Morphée. Torché, armé comme au Texas. Tête de MC comme trophée de chasse. Le game a trop fait de chiasse. Punchline bombardé, péré bombardier. Le buzz c'est comme le permis, le tout c'est pas de l'avoir, c'est de le garder. Putain de claque, putain de claque. Ce fils de pute veut me carotouer mon putain de claque. Putain de claque, putain de claque. Je reviens cagouler avec mon putain de claque. Et je te fume pour de l'oseille, fume pour de l'oseille, fume pour de l'oseille, fume pour de l'oseille. Pas de sentiments, c'est que du business, pas de sentiments, que du business, pas de sentiments, que du business, pas de sentiments, que du business. Kennedy, Seth Gecko et putain de Glock. C'était dans la Nocturne 100% rap français. Daouf, maintenant on écoute dans la Nocturne 100% rap français. 100% rap français. C'est d'accord. Oh, tu fais pas mal. Tu sais ce que j'ai perdu, moi? Hein? Mis à part le regard des gens, hein, qui me voient assis comme ça dans la rue à mendier. Hein? Est-ce qu'ils savent ce que j'étais avant, moi? Ce que j'ai perdu? J'ai confiance qu'à mon chien, moi, maintenant. Et je m'en fous des regards des gens. Je m'en fous. J'ai perdu contre la vie, ma vie tient dans un caddie. Mon lobby est ré à ciel ouvert, tout comme mon logis. Sans abri, donc logique, mon lit un sale banc public. Plus confiance aux hommes, c'est mon chien, mon ami unique. J'ai plus de job, plus de femme, plus de gosse, plus de droit, plus d'identité. Comme un amputé, on veut me buter, y'a plus de pitié, de quoi flipper. Les nuits sont longues, il fait froid dans la pénombre. Pendant que les gens rêvent, moi je continue de vivre le cauchemar. J'ai la barbe et la fatigue qui m'a maigri. Je vis pas, mais je survis. Un sourire, une pièce pour moi me suffit. C'est subtil, t'es que futile, pour certains, pour moi utile. Une pièce de plus dans mon gobelet, un verre de plus que je vais gober. Je suis bourré, à jamais, condamné, attisé. T'attise et brise ma vie et celle de ma famille. Et merde, je maîtrise et crise. Quand je perds le rôle du père et laisse une mère en larmes. Ceux qui te donnaient chaque jour le sourire. Et malgré ça, man, je crois ça perturbe. De voir qu'ici tous les problèmes s'acharnent. Et que ça ne changera pas après ce soir. T'as perdu l'envie de voir tous ceux qui te donnaient chaque jour le sourire. Et malgré ça, man, je crois ça perturbe. De voir qu'ici tous les problèmes s'acharnent. Et que ça ne changera pas après ce soir. J'étais, je ne suis plus celui qui t'a fait pour cette thune. Belle allure, beau costume, belle voiture, vu que ça pose dur. Une ville propre et sans rature, ma famille, mon armature. Le bonheur, ma valeur sûre. J'ai brûlé du billet pour une vie douillée. Loin d'imaginer que le futur pouvait me couiller, ouais. J'ai coulé du jour au lendemain, j'ai dérouillé, dépouillé. Ma femme est gauche, j'ai dû oublier. Douter de moi, ne plus assumer. Plein job, tout me fouet, à vivre une vie de couilleux, destin pourri. J'ai dû vendre ma voiture, ma montre et ma ceinture. Les soucis me rongent, frère. Dévoile mon ossature. Je crois je peux plus m'en sortir. Dans ce monde de satire, je noie ma peine dans une bouteille. Une deuxième, puis une troisième. Toute la semaine, ça se répète. Imagine la scène. Je sais que c'est bête, mais j'ai perdu l'espoir d'une vie saine. On sait ce qu'on perd, mais pas ce qu'on trouve. On y voit clair dans les eaux troubles. On perd le nord, on trouve la merde. Avec la mort, on trouve l'envie de voir tous ceux qui te donnaient chaque jour le sourire. Et malgré ça, man, je crois ça perturbe. De voir qu'ici tous les problèmes s'acharnent. Et que ça ne changera pas après ce soir. T'as perdu l'envie de voir tous ceux qui te donnaient chaque jour le sourire. Et malgré ça, man, je crois ça perturbe. De voir qu'ici tous les problèmes s'acharnent. Et que ça ne changera pas après ce soir. Moi j'ai juste cherché un moment de kiff. Dans cette vie quasi folle, vous m'avez jugé comme un fugitif. Je suis resté dans ma camisole. Moi j'ai juste cherché un moment de kiff. Dans cette vie quasi folle, vous m'avez jugé comme un impulsif. Alors j'ai noyé ma peine dans une bouteille d'alcool. L'envie de voir tous ceux qui te donnaient chaque jour le sourire. Et malgré ça, man, je crois ça perturbe. De voir qu'ici tous les problèmes s'acharnent. Et que ça ne changera pas après ce soir. T'as perdu l'envie de voir tous ceux qui te donnaient chaque jour le sourire. Et malgré ça, man, je crois ça perturbe. De voir qu'ici tous les problèmes s'acharnent. Et que ça ne changera pas après ce soir. rap français. T'as perdu. C'est ce qu'on écoutait à l'instant. Nouveauté dans la nocturne sur Skyrock. Aina, l'équipe de Beaumaillé qu'on salue, associée à Lino d'Arsenic. C'est ce qu'on va écouter tout de suite sur Skyrock. 100% rap français. Planète. La nocturne. Et ce motif comme moi, les filles courageuses, amoureuses, naïves comme moi. J'en place une pour les jeunes mères seules qui se débrouillent comme moi. Les poupées qui ont la grande gueule qui dérange comme moi. Celles qui ont choisi de rester et gester comme moi. Comme moi, comme moi, comme moi. Je ne veux pas la vie de Carla, elle n'est pas comme moi. Je ne rêve pas la vie de Zaya, elle n'est pas comme moi. Et le pire, je reste moi. Intelligentes comme toi et qui pensent que les histoires d'amour finissent comme ça. J'oublie pas toutes les sœurs qu'on a jugées pour leur couleur comme moi et qui ont gardé la rancœur et la douleur comme moi. Pour les meufs dans l'épreuve, pour leur honneur comme moi. Comme moi, comme moi, comme moi. Face aux célèbres mamas qui sourit comme moi, à leur amour qui t'élève et qui te nourrit comme moi. Au bonheur après lequel tu ne cesses de courir comme moi. Les lauriers de César, sous Rome, je viens harceler, je passerai plus par les fenêtres quand j'aurai le sésame. Bourse pour Rome, piste l'essence, parfume se pisse dans le coma. Cette naissance de crise pour les insoumis comme moi. Je brise le son, poudre et feu union sans alliance. Cuise, je sais qui a fumé le rap français, mais je dirai rien, je suis pas une balance. Faut avancer, quitte à vendre du rêve à des insomniaques qui cœur longue durée. Je remets pas la phrase célèbre comme Nike. Pour ceux qui ont grandi comme moi, l'ambition a pris du muscle pour les soldats comme moi. L'enfance c'est trop près du mur, garde haute. Le game est cardiaque, joue ma vie à chaque pulsation. Hardjacking sur les rails du succès, bitume radio station. Je donnerai tout pour rester parmi vous. Je donnerai tout, mais venez parmi nous. Je donnerai pour celles qui sont comme moi. Celles qui sont comme moi. Son rap français, planète rap. La nocturne. La nocturne 100% rap français qui continue la nocturne avec encore pendant quelques minutes vos sons à vous de nous envoyer aussi peut-être vos dernières demandes. 41 Sky 41 759. Allez-y, 41 Sky 41 759 avec le hashtag la nocturne, le hashtag Skyrock. Ça arrive direct dans le studio. Voici monsieur Rimka. Tout le monde rêve de Miami. Nous on ira à Abu Dhabi, Rimkov. J'ai appris à mon épouse à servir d'un calibre 12 en contrepartie. Je lui ai promis de ne plus rentrer à l'époque. Pour me refaire, je garde 9 euros pour un collant ou pour une cagoule. À 7000 le litre, on fume la Candy Kush dans le V12, pèse le siège de la turvoie. Je suis allongé comme sur un transat, on se regarde marre entre ça. C'est les mêmes billets qu'on convoite, on veut tous un bout de ferraille sur quatre roues qui vaut le prix d'une maison. Les frérots m'appellent plus de prison, on leur a brouillé la réseau. Trop dur pour un dollar de se réhabiliter. J'ai tout fait pour éviter les quatre murs, question rentabilité. Pas de genoux, j'ai habité RIMK, la vie d'Aloca. Je suis malade, je veux me faire soigner. Pas même hôpital, le coup des flics. On a saigné, on a enseigné à l'école du crime. Le plus petit de ma team pèsera la fille à Poutine. 11 000 cm3. On meurt jeune, on monétise. J'irai jamais un homme au foyer. J'ai même pas réparé une prise. Adjoumer à bitch, je roule comme Felipe Massa. On en a rien à foutre, frère. On est que de passage. On fait les fous, on fait les sous. J'ai rendez-vous pour un massage. Les mains sales, prochaine étape, alimenter Gaza. Tu te fais avancer le gâteau, tu la coupes, tu la prends. Et quand les keufs cassent ta porte, là tu pètes un boulard. Obligé de faire du sale. Je veux ma part du fonds monétaire international. FMI. J'suis de nature fonceur, ça se voit sur le putain de compteur. J'ai baisé tous les flashs de Paris. Maintenant j'ai besoin d'un chauffeur. On baise la directrice, l'autrice, on vole ta montre suisse. Dis-moi avec qui tu traînes, et moi je te dis à qui tu suces. Que fait l'État, il ne fait rien. On baise le rêve européen, jusque dans les cités fausses. On veut tous un gros terrain. Abu Dhabi, Dubaï, Barcelona, Madrid, Marbella. Dans une fucking villa, avec une boula. Calma, calma, les petits frères se lancent dans le commerce de cocaïne. Mamma mia, on les baise, on les nia. Situation de crise qui nous pousse à être capitaliste. On veut du taf, donc on a mis du sang partout. On a mouillé la chemise. Adjoumer à bitch, je roule comme Felipe Massa. On en a rien à foutre, frère, on est que de passage. On fait les fous, on fait les sous. J'ai rendez-vous pour un massage. Les mains sales, prochaine étape, alimenter Gaza. Tu te fais avancer de la dos, tu la coupes, tu la prends. Et quand les keufs cassent ta porte, là tu pètes un boulard. Obligé de faire du sale. Part du fonds monétaire international, FMI. Le cul au chaud dans le gars monstre, le bide rempli de Hamas. J'ai pas beaucoup d'hermano, mes chiens coupent comme Sergio Ramos. J'arrive de la ville des bracos, El Capo, Del Capi. 520 chameaux sous le capot, E63 sur le bateau. Zaz, Bin, Las Vegas, retraite à Macao. On voit le kilo d'or, enculé, t'es mort, et un petit jus de coco. Bouffon, comme dirait l'un de mes amigos. L'argent c'est comme un glaçon, ça se met au frigo ou ça fond. Adjoumer à bitch, je roule comme Felipe Massa. On en a rien à foutre, frère, on est que de passage. On fait les fous, on fait les sous. J'ai rendez-vous pour un massage. Les mains sales, prochaine étape, alimenter Gaza. Tu te fais avancer de la dos, tu la coupes, tu la prends. Et quand les keufs cassent ta porte, là tu pètes un boulard. Obligé de faire du sale. Je m'en bats du fonds monétaire international. Et me rattrape comme un cocu par les cornes. Je voudrais passer à la trappe, ne plus revivre ce cauchemar. Même quand je me marre, c'est qu'une façade, c'est qu'une facette. En fait, je suis un malade, je ne suis pas tout seul dans ma tête. toujours dans les nuages. Faut que j'arrête de me faire planer. J'essaie de tourner la page, mais mon futur je l'avais programmé. Proclamé innocent dans cette affaire. Pourquoi c'est toujours moi qui dois souffrir? J'ai honte de moi, je ne suis pas fier. Un homme averti en vaut deux, un humilié en vaut quatre. Je ne dis pas je t'aime que quand je suis rabat. Abonné à la malchance, j'ai du mal à faire confiance. Depuis que j'ai pris conscience qu'une femme peut être plus méchante qu'on le pense. J'suis envieux, pas jaloux, un peu rageux. Ça j'avoue quand je vois que l'amour se mesure à la taille du caillou. J'm'en fous d'aller bouillir, va pas taille. D'une marionnette prête à tailler, besoin de tendresse en toute intimité. J'ai plus le goût au boulot, j'ai surtout le goût du boulot. J'suis un solo, expoulé au bout du rouleau, du rouleau. Un salaud qui rêve de malo, de malo, de malo. Maison, femme, enfant, pour moi c'est le plus beau malo, le plus beau malo. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. J'ai pigé que l'amour n'est pas pigalle, pas pigalle. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Parce qu'à 27 puis j'ai que dalle, j'ai que dalle. J'ai perdu le goût de la vie comme sous l'effet d'un rhume. Je fais des grogues pures de rhum, j'ai oublié la grume. Juste un peu de drogue comme le veut la coutume. J'étais un ogre au carnaval, j'ai déchiré mon costume. J'ai rangé l'uniforme à titre posthume en zone portuaire, dans ma prison mortuaire. Je souhaite m'évader, rester sous la couette, faire un bébé. Là je me réveille, je suis au bar, je serai un baby, tout me barbe, même les bars bitch. Je voudrais partir, même en martyr. Passe-moi la balle que je me la tire. Ou bien j'irai braquer un Brinks pour me payer du ciment, des briques. Tous ensemble, Marc et Manuel. Je veux bâtir une baraque, mais j'ai pas le manuel. À vouloir construire un manuel, devienne sale, qui a le sang chaud comme de la lave. Je cherche l'amour, ravive la flamme. Un voyage, aller simple. J'ai peur du retour de flash. Je veux plus d'une table qui retire la flèche. Un dîner aux chandelles, j'allume la mèche. J'ai plus le goût au boulot, j'ai surtout le goût du boulot. Je suis un solo, expoulé au bout du rouleau, du rouleau. Un salaud qui rêve de malo, de malo, de malo. Maison, femme, enfant, pour moi c'est le plus beau malo, le plus beau malo. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. J'ai pigé que l'amour n'est pas pigalle, pas pigalle. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Parce qu'à 27 puis j'ai que dalle, j'ai que dalle. Et c'est fini pour la nocturne 100% rap français. Prochaine nocturne dans une semaine, juste après la radio libre de Difool. Passez un beau week-end tout le monde, bonne fin de vacances aussi aux autres. Prochain encart, donc la nocturne, je vous l'ai dit, vendredi prochain. Dès lundi, il y a D6 qui débarque, 20h-21h, un petit peu avant 20h, D6 toute la semaine. Son album Translucide, et il est à découvrir, il est sorti, il est déjà dans les bacs, et on pourra le découvrir dans du live, du freestyle, avec D6 tous les soirs de la semaine. Rencard lundi, ciao. Yo. New hip-hop. Non-stop. Skyrock. Skyrock.